4. Identifier des situations. Activité 37. 1. Tu as quel âge, Anne? 16 ans? Mais non, j'ai 18 ans. 2. Marc, toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 33 ans. 3. Demain, j'ai 60 ans. Toi, Paul, tu es plus jeune, non? Non, je ne suis pas plus jeune que toi, Jean. Moi, j'ai 61 ans. Ah, 61 ans? D'accord.